Bonjour mesdames et messieurs auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de ce journal de la mi-journée de ce lundi dont voici les principaux titres. Un système automatisé de traitement des chèques en compensation opérationnel depuis des mois permettra aux clients d'avoir leur argent à temps, comme le déclare le conseiller de la Banque centrale chargé des systèmes de paiement ce lundi. Et de jeunes Burundais se trouvant en Zambie à la quête de l'emploi plaident pour le cadre légal les régissants signés entre ce pays d'accueil et leur pays d'origine qu'est le Burundi pour qu'ils ne soient plus malmenés dans l'exercice de leurs activités qualifiées d'informelles. Et la chronique sport de ce lundi parlait des défis empêchant les athlètes à participer dans les compétitions internationales des Jeux Olympiques. Voilà pour les titres. Vestine, vous êtes à la présentation, à la cabine technique et vous êtes avec François Akiman. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Un système automatisé de traitement des chèques en compensation est déjà opérationnel depuis des mois au sein du secteur bancaire burundais. Déclaration faite ce lundi par le conseiller de la Banque centrale chargé des systèmes de paiement. Jean Bosco Ndikumana a indiqué que la plus-value est que les clients vont avoir leur argent le même jour, alors qu'avant l'opération bancaire pouvait durer jusqu'à 5 jours. Il a aussi rassuré que certains moyens utilisés dans d'autres pays pour une sécurisation des intérêts des clients qui ne doivent pas également dépasser un montant de 15 millions de francs burundais sur l'échec. On l'écoute. Le système a été mis en place en poursuivant des objectifs de conformité aux normes, aux standards et aux bonnes pratiques en la matière, comme cela se fait dans le monde entier. Et le système a été développé pour sécuriser davantage le système de traitement automatisé d'échecs, mais également d'autres moyens de paiement, disons en se conformant à la sécurité du système, à la rapidité du système, en sécurisant davantage les transactions de paiement qui passent par le système et en sécurisant davantage également les intérêts des utilisateurs de ce système. Il faut également savoir que l'objectif principal de la mise en place de ce système était de réduire drastiquement, de manière substantielle, le temps de traitement de paiement et de règlement des opérations de paiement qui passent par le système de compensation. Depuis la création de la banque, le temps qui était imparti pour le paiement et le règlement des transactions de paiement qui passent par le chèque était environ de 3 à 5 jours. Aujourd'hui, ce temps de règlement des paiements par chèque à travers le système de paiement est de seulement un jour. Dans l'utilisation des systèmes de paiement et surtout des paiements de détail, il y a ce qu'on appelle les plafonds en compensation. Une banque peut se retrouver avec beaucoup de fonds, des milliards au niveau de son solde, alors que le solde n'est pas disponible sur la provision de son compte. C'est pourquoi on fait de manière à ce que les opérations qui passent en compensation soient des montants avec un plafond. Ce montant de 15 millions n'a pas été pris au hasard. C'est un montant qui se conforme au plafond autorisé en compensation dans la communauté est-africaine et au niveau donc de toutes les banques centrales de la communauté est-africaine où il est question de prendre comme plafond en compensation un montant équivalent à près de 10 000 dollars ou un peu plus. Et des consommateurs des graines de maïs se lamentent de la raréfaction de ce produit au marché central de la ville de Lumonge. Ils informent que le prix du kilo oscille autour de 1400 francs burundais pour les graines destinées à la consommation. Pour eux, le gouvernement burundais devrait rendre disponible sur le marché le maïs déjà stocké ou en autoriser son importation. Jean-Pierre Misago. Les enfants habitués à consommer les dérivés des graines de maïs désespèrent. Il en est de même pour leurs parents. Celui-ci dénonce le refus catégorique de l'autorité portuaire de Rumonge d'autoriser la réception de la totalité des graines de maïs lui envoyées par son frère et une connaissance résidant en République unie de Tanzanie. Ceux-là qui se sont exprimés disent que le kilo de graines de maïs pour consommation s'achète actuellement à 1400 francs burundais et celui des graines pour semences revient à 2000 francs burundais au marché central de Rumonge. Il voudrait pour cela la disponibilité sur le marché du maïs en stock et à un prix abordable. Et si le gouvernement du Burundi trouve que le maïs en stock est insuffisant, ces amateurs des graines de maïs trouvent que leur importation devrait être autorisée. Ces consommateurs demandent à l'administration et aux élus du peuple de faire régulièrement des descentes dans différents marchés pour s'assurer qu'il n'y a pas de spéculation de certains commerçants. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Il est 13h06 de la radio Isanganiro. Continuons ce journal. Des personnes exerçant différentes activités à l'avenue de l'amitié en mairie de Bujumbura font face au manque du courant électrique. Ils déplorent la perte qui en découle. Pour ceux qui font recours au groupe électrogène, affirment mais utiliser beaucoup du carburant. Et ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro demandent à la régie des eaux la résolution de ce problème. Suivez-les. Les perturbations sont énormes ici à l'avenue de l'amitié parce que c'est une question qui date il y a 2 ans. Ils amènent des cadres qui ne sont pas conformes avec ceux qui sont anciens. Ici, nous travaillons, nous mangeons grâce à l'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, pas de travail. C'est comme si on allait rester à la maison. Nous demandons vraiment et vraiment au personnel de la régie des ondes de trouver. Nous sommes vraiment très mécontents. Nos activités sont perturbés par la coupure intempestive et du courant. Il y a quelques jours, on a eu des problèmes lorsqu'ils nous ont donné une intensité élevée et a endommagé nos machines. Nous demandons à la régie des eaux de tout faire pour résoudre ce problème pour avoir la quantité suffisante du courant. Ça nous perturbe. Maintenant, nos clients vont ailleurs où il y a du courant parce qu'ils ne peuvent pas attendre, ce qui fait qu'on travaille à perte. Des jeunes affiliés aux différents partis politiques dans la province Kayanza se sont regroupés dans une coopérative pour l'autodéveloppement. Ces jeunes font savoir que leur souci est la cohésion sociale. Malgré leurs différences d'opinion, le gouverneur de la province Kayanza se dit satisfait du pas déjà franchi et demande aux autres de prendre ces derniers comme référence. Lydia Gahimbari. Ce sont les membres de la coopérative de jeunes municipalités associés pour un développement durable. Ici, c'est sur la colline Yanza, commune Muruta de la province Kayanza, où se trouve un champ de pommes de terre de près d'un hectare appartenant à leur coopérative. Ces jeunes relatent l'origine de la création de leur coopérative. On était dans une formation. On a été formés sur différents thèmes, dont la bonne gouvernance, le genre et l'entrepreneuriat. Le thème de l'entrepreneuriat nous a poussé à avoir l'idée de se rassembler et faire coopérative qui nous unit, dans laquelle nous allons faire des activités génératrices de revenus. Après cette formation, ces jeunes affiliés aux différents partis politiques se sont lancés dans l'agriculture. Célestin Douayo est le président de cette coopérative. Nous sommes dans un champ vraiment très agréable de pommes de terre. Ici, c'est dans la commune Muruta. Et en commune Kayanza, on a planté un autre champ d'à peu près 1 hectare. Et de maïs. Nous avons 2 champs exemplaires, un de pommes de terre et l'autre de maïs. Le renforcement de la cohésion sociale des membres des différents partis politiques est leur but ultime, précise-t-il. Nous avons eu une cohésion sociale. Donc ici, socialement, nous nous entraidons. Celui qui est malade, hospitalisé, nous faisons quelque chose pour lui assister. Et c'est un avantage parce que avant, vraiment, je ne peux pas mentir, je ne pouvais pas visiter quelqu'un ou faire une conversation longue ou s'asseoir ensemble avec qui nous n'avons pas le même parti. Mais aujourd'hui, nous le faisons et nous en sommes fiers. Ces jeunes demandent à l'autorité habilitée de les appuyer en leur octroyant des terres cultivables. À cette préoccupation, colonel Rémi Tshishayo, gouverneur de la province Kayanza, fait des sensibilisations aux différents administratifs pour répondre favorablement à cette doléance. Ici à Kayanza, vous avez vu les jeunes et les différents partis politiques qui se sont organisés, qui se sont mis ensemble pour faire des projets. Vous avez vu qu'il y a des champs exemplaires, surtout en commune Muruta, et de ces jeunes. Je les encourage beaucoup. Je lance un appel à ces jeunes de faire des bons projets. Aussi, je lance un appel aussi à l'administration communale et autres de soutenir ces jeunes pour pouvoir les aider, surtout en donnant de terres cultivables, des propriétés libres de l'État pour pouvoir quand même améliorer leurs travaux de développement. Les membres de la coopérative de jeunes municipalités associés pour un développement durable se sont ici de cette formation politique, à savoir le sein de DFDD, CNL, Sawanya Fodibou, IPRONA, IPD, Digamimanga, Hanak et FNL. Merci Lydia Gahimbare. Les pommiers peuvent être cultivés dans toutes les provinces du pays si on adapte à chaque climat la variété relative, constate Jésus-Marie Joseph Niranirgwa, un cultivateur qui entretient plus d'un hectare de pommiers à Muyinga. Le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage salue cette initiative et encourage d'autres Burundais à lui emboîter le pas. Les détails avec Fidèle d'Antoine Sabiman. Nous sommes sur la colline Rutoke, zone Rugari, dans un char de pommiers appartenant à Jésus-Marie-Joseph Ninanigwa. Ce pommier culteur explique qu'il a été motivé par le fait que les pommes apportent beaucoup d'argent. En plus de l'argent, la pomme est un fruit qui est très riche du côté nutritionnel. Selon Jésus-Marie-Joseph Ninanigwa, la pomme permet le maintien d'une bonne activité physique grâce aux fructoses et aux glucides qu'elle contient. De même, selon toujours Jésus-Marie-Joseph, la pomme contient de la pectine, un ingrédient naturel qui joue le rôle de ciment intracellulaire qui évite le vieillissement précoce et les maladies métaboliques. Après 7 ans de recherche, le pommiculteur affirme que les pommiers peuvent pousser partout au Burundi à condition d'adapter chaque variété de pommiers à son climat. Jésus-Marie-Joseph dit que différents agriculteurs venus de différentes provinces ont essayé ce fruit avec succès. Qui vient de se clôturer, le secrétaire permanent au ministère de l'Environnement, Agriculture et d'Élevage, Manuel Ndolimana, a effectué une visite de travail dans les champs de cet agriculteur et il n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Emmanuel Ndolimana en appelle à d'autres Burundais à suivre l'exemple de Jésus-Marie-Joseph Ninanigwa, étant donné que la pomme peut leur procurer beaucoup d'argent. Ça nous donne vraiment de l'espoir que le Burundi est à rêve pour augmenter la production, mais aussi pour satisfaire l'alimentation dans notre pays. À côté du pomme, cet agriculteur produit d'autres fruits comme les ananas, les orangers et autres variétés de fruits naturels. Merci, Fidèle d'Antoine Sabimana. Les jeunes finalistes des écoles secondaires et des universités après leurs études quittent le pays pour aller vaquer aux activités commerciales dans différents pays voisins. Ceux qui ont accordé leurs interviews à la radio Isanganiro à partir de la Zambie indiquent être malmenés car ils exercent du travail informel. Ils demandent cependant au gouvernement burundais de signer des accords avec la Zambie pour qu'ils puissent exercer librement leurs activités commerciales. Évariste Nzekobanyanga. Certains de ces jeunes sont originaires des provinces du sud du pays. Ils indiquent qu'après leurs études, ils ne trouvent pas du travail et ne pensent qu'au pays du sud pour exercer des activités commerciales, indique ce jeune actuellement en Zambie qui a requis l'anonymat. Après avoir passé longtemps dans le chômage, j'ai pris la décision de rejoindre les autres qui étaient déjà partis. J'ai cherché le ticket et ensuite je suis parti. Arrivé ici, j'ai trouvé d'autres jeunes en pleine activité. J'ai cherché le capital. Après avoir trouvé le capital, j'ai commencé le travail. Ces jeunes reconnaissent qu'ils exercent du travail informel et sont chaque fois malmenés par les forces de sécurité, comme ils l'ont révélé à la radio Isanganiro. Quand les policiers sont à la chasse des irréguliers, l'on ferme les échoppes et l'on ouvre après leur passage. Ceux qui sont appréhendés, des fois sont extradés et d'autres sont emprisonnés et sont relâchés moyennant paiement d'amende. C'est vraiment la première infraction pour laquelle on est poursuivi. La deuxième infraction, c'est le manque du permis de travail dans un pays étranger. Peu de Burundais possèdent ce document. Ces jeunes qui ont manqué du travail au Burundi, actuellement en Zambie et dans d'autres pays du Sud, lancent un cri d'alarme au gouvernement du Burundi. Nous demandons aux deux gouvernements de signer une convention nous permettant de quitter le pays en bonne et due forme. Voilà ce qui pourra faciliter une libre circulation et l'exercice de toute activité génératrice de revenus sans aucune inquiétude. Très récemment, le gouvernement burundais et l'Arabie saoudite ayant ratifié une convention régissant le transfert légal des demandeurs du travail dans les pays arabes qui jadis étaient opérés dans la clandestinité. Et nous n'avons pas encore eu le ministère des Relations extérieures pour réagir face à ces doléances. Après, c'est la chronique sport. Radio Isanganiro, chronique sport. L'usage des dopages, le racisme et les blessures sont des obstacles qui empêchent les athlètes à participer dans les compétitions internationales des Jeux Olympiques. Venuste Niyongabo, président de l'Association burundaise des Olympiens, fait savoir que ces mesures ont été prises par le Comité national olympique dans le but d'avoir les athlètes performants capables de remporter les médailles d'or. Les détails avec Charles Makote. L'usage des dopings pour un athlète peut être un obstacle pour participer dans la compétition internationale des Jeux Olympiques. Propos de Venuste Niyongabo, président de l'Association burundaise des Olympiens. C'est quand un athlète utilise l'usage des dopings. Vous savez qu'il y a des produits qui te permettent de faire des performances qui ne sont pas réelles. Et là, normalement, il y en a qui sont interdits pour 4 ans, les autres pour 8 ans. Ce responsable donne l'exemple de cas de Rahisi qui a été exclu dans la famille des Olympiens suite à l'usage des dopings par les athlètes russes. Regardez le cas de la Russie. La Russie est exclue aux Jeux Olympiques parce que il a favorisé l'usage de doping dans les différents sports. Et heureusement qu'ils n'ont pas puni les athlètes. Si les athlètes qu'ils ont fait les performances correctement, la Fédération internationale, ils ont demandé de représenter le drapeau du Comité international olympique, mais ils ne représentera pas le drapeau de l'LPI. Donc, imaginez notre athlète, ils sont 6. Comment notre pays peut être orgueilleux d'avoir 6 athlètes qui ont fait les performances correctement et ils vont courir sous le drapeau du Burundi. Par contre, les athlètes russes, ils vont faire une compétition, mais malheureusement, peut-être, ils n'auront pas la chance de représenter leur drapeau. Ça, c'est dramatique quand il y a l'usage de doping dans le sport. Donc, ça, c'est la chose qui peut impédir un athlète qui participe aux Jeux Olympiques. Venuste Niyongabo a ajouté qu'un athlète qui connaît des blessures quand les Jeux Olympiques approchent ne peut pas être présent dans ces compétitions. Les blessures aussi. Quand un athlète, il connaît des blessures, malheureusement, là, il ne peut pas être à la hauteur pour représenter lui-même et son pays. Venuste Niyongabo exhorte tous les athlètes de ne pas utiliser les dopings dans leur carrière d'athlétisme du fait que ces produits sont nuisibles pour la santé. Merci Charles Makoto. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée de ce lundi. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour sa parfaite collaboration. Vestine Boutou, j'étais à la présentation. Au revoir. Passez un bon après-midi.